Arrivent d'aussi loin que viennent les revenants. Ils ont du sang sur les mains et c'est leur propre sang. Ils ressemblent à ces armes qu'ils n'ont pas chargées. Ils ressemblent à leurs femmes qu'ils ont abandonnées. À l'espérance, ils ont pris les frontières à contresens. Un mât de cocagne qui perce le brouillard. Ils ont soulevé des montagnes et trouvé un passage. Ils ont connu l'écume blanche des océans dans une barque. Entre la rage et la chance d'avoir su franchir le cap. De bonne espérance, ils ont pris les frontières à contresens. Frapper à nos paupières, nous livrer d'étranges nouvelles. Paraît qu'en crachant sur nos frères, on crache sur nous-mêmes. Ce sont les derniers aventuriers, des réfugiés sans refuge. On les appelle les sans-papiers et nos juges les jugent. Désespérance, les frontières n'ont pas de sens. Nous nous trouvons aujourd'hui à Tenosique, une ville au sud du Mexique, près de la frontière guatémaltèque. Nous sommes le 29 mars. Un chemin de croix a été organisé pour célébrer le Vendredi Saint à Tenosique, par différentes organisations de soutien aux migrants, dont la principale, l'Auberge A72, qui les soutient dans leur long chemin jusqu'aux États-Unis. En effet, on ne connaît que trop peu le sort des migrants centro-américains à leur arrivée au Mexique. La frontière nord est largement médiatisée, à défaut de la frontière sud. Car si le Mexique est un pays d'émigration, Il est aussi un pays d'immigration et de transit. Des dizaines de milliers de migrants franchissent chaque année la frontière Mexique-Guatemala. L'immense majorité proviennent du Guatemala, mais aussi du Honduras, du Salvador et du Nicaragua. Ce chemin de croix permet de rappeler la dure situation que vivent les migrants, qui doivent dorénavant lutter contre le crime organisé et les autres bandes. On parle généralement de 20 000 raptes par an contre les migrants. Les bandes demandent à leurs familles restées au pays, ou déjà arrivées aux États-Unis, de payer une rançon. On estime qu'en un semestre, ces raps permettent aux bandes organisées de récolter près de 20 millions de dollars. Et ce n'est pas tout. Sur toute la traversée, il est fréquent de voir des vols, des traites de personnes, de la prostitution, de l'esclavagisme, du commerce d'organes, et la menace des militaires et des policiers qui se servent d'un chantage économique pour leur permettre de monter sur les trains ou pour ne pas les dénoncer. Ainsi, il est connu que les migrants empruntent deux routes pour se rendre aux États-Unis. La première passe sur la côte du Chiapas, à l'ouest du Mexique. Il longe la côte. Mais la deuxième route se trouve aussi au Chiapas. Le point de chute est ici, à Tenosique, où le chemin de fer passe également. Bon, alors on va interviewer le père Thomas, le padre Thomas, qui est la personne qui est l'instigateur de cette marche et du lieu, la 72, dans laquelle nous nous trouvons. Donc là, on cherche un petit coin à l'ombre pour aller poser nos quelques questions. Là. Il y a un potager, des poules et tout. Ah, c'est bien? Si. Muy bien. Oui. Perfecto. Como si usted está bien, nosotros estamos bien. Soy Tomás González, je suis Thomas González de la Maison des Migrants de Tenosique, dit la 72. Alors qu'est-ce que la 72? Comment inició? Es una casa de migrante que ahora opera aquí en este lugar, pero que inició esto hace muchos años. Qui a commencé il y a plusieurs années, dans les années 90. Los franciscanos de la parroquia del centro empezaron a recibir. Quand les religieux de la paroisse ont commencé à recevoir les personnes migrantes de Centroamérica, qui venaient de la Centroamérica. El flujo para esos años era muy muy poco por esta. Le flux à cette époque était vraiment très faible. Porque es una frontera muy accidentada. Car cette frontière était très accidentelle. Il n'y avait no pas había de route, carreteras, no había il n'y avait pas de moyens de communication. Entonces se recibían 3, 4 personas. Alors on recevait 3 ou 4 personnes par semaine. Después se fueron recibiendo un poquito más y los Mais après, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui sont arrivées. Et les gens commencent à recevoir dans leur maison. On a agrandi le lieu, on a construit des toilettes, cela fait 10 ou 12 ans. En el año 2011, en 2011, on a pu trouver ce lieu d'une centaine de mètres carrés. On a commencé à construire et petit à petit, le lieu s'est agrandi. Se le puso la 72 por, on l'a appelé la 72. Hacer un acto de memoria de que no se nos olvide se rappeler, comme un acte de en mémoire. Este país, en el norte del país, car en dans ce pays, Tamaulipas, se massacraron, dans le nord, à Tenaupeilas, on a tué beaucoup de migrants d'une manière particulièrement cruelle. 72 migrants de Sud-Américain. Et en reprenant ce nom, on voulait reprendre cette identité pour éviter que cette tragédie se reproduise, que ce soit au Mexique, au Chiapas ou partout ailleurs. Et pour cela, nous avons trois aires de travail. La básica et la plus grande est l'assistance. Donc, dans les aires de travail, la plus grande, c'est l'assistance humanitaire, qui est d'offrir de la nourriture et des soins aux migrants, et des logements aux personnes qui viennent se réfugier ici. On les accueille pendant quelques jours. La otra área es la defensa de los derechos Notre aire, humanos, c'est évidemment la défense des droits de l'homme, orientar, qui est orientée acompañar las víctimas que son, vers l'accompagnement des victimes. Que entran al país y que son víctimas, ya sea de, les migrants donc, qui viennent chez nous et qui sont victimes d'extorsion, alguna violación a sus derechos por de violation des droits de l'homme par les autorités mexicaines. Esta es el área de derechos humanos. La promoción también con la comunidad. C'est aussi une ère de promotion. Como ir creando promotores des promoteurs de droits de l'homme en la ruta dans chacune des communautés. Dentro de esta área tenemos la gestión migratoria que es dans cette ère, nous avons la gestion nadie, migratoire. O más bien algunos no han sido víctimas de algún delito, pero quieren vivir en el país, trabajar. Beaucoup de personnes ont été victimes de délits alors qu'ils veulent venir travailler dans le pays librement. Alors on les aide, on leur donne un accompagnement, une orientation. Y la tercera área de trabajo es el cambio estructural, c'est le changement structurel. Es junto con otras casas del migrante, con otros centros de derechos humanos. Où on essaie de créer avec d'autres défenseurs de droits de l'homme, d'autres maisons des migrants. Et des gens de la société civile, en el Congreso de la Unión, con legisladores, pour essayer de faire pression sur le Congrès, l'Union, les députés, essayer de faire des actions, no? Para lograr una des actions pacifiques, sin una migración, sin violencia y no forzada. Pour réussir une migration sans violence. Les caravanes de madres centroamericanas, les caravanes Paso a Paso hacia la Paz. C'est pour ça qu'on fait les caravanes de mer, les caravanes de la paix. Le festival de la bestia, etc. Qu'est-ce qu'un migrant réellement? Moi je dis que c'est avant tout un être humain et que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Souvent les migrants les prennent comme des objets. Mais non, il ne faut vraiment pas les prendre comme ça. Je vois cela, cette vision, comme quelque chose de très injuste. La caridad es egoísta, porque es vertical, es ver hacia abajo, es ten. Cette qualité d'objet est quelque chose, une vision verticale. Mais la solidarité qui est, elle, complètement horizontale, car elle accompagne, elle impulse une autre vision, qui est cette vision que nous voulons faire ici, dans la 72. Faire du migrant, non pas un objet, de nuestra calidad, de nuestra conciencia. Mais dans sa qualité, dans sa conscience, un sujeto de sus propios un sujet derechos, que él mismo afin qu'il puisse prendre conscience de son humanité. Historia, no? Alors nous les aidons comme des êtres humains. Como seres humanos. Aunque es una casa de iglesia católica, la mayoría de ellos no bien son que ce soit une maison de catholiques, no beaucoup ne sont pas catholiques. La mayoría de los voluntarios no son católicos. La majorité des volontaires ne sont pas catholiques. Nos interesa y lo decimos muchas veces. Mais cela, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce sont les êtres ahora humains. Ahora se les ha castigado con este sistema que los ha vomitado. Le système les a vomis, les a rejetés. Estamos aquí para recibirlos y para. Et nous, nous essayons ici de les recevoir, de les accompagner en tant que véritable être humain. Bien, nous sommes là actuellement dans la manifestation des migrants. Alors nous sommes partis ce matin de l'auberge des migrants. On est une cinquantaine de personnes à marcher à travers la ville. Les gens nous regardent bizarrement. Voilà, il y a quelqu'un. Les discours s'enchaînent au mégaphone. Parfois, un homme venu du Guatemala prend sa guitare, joue une petite chanson. Un enfant, vêtu comme le Christ, transporte une croix, il marche pieds nus. Et beaucoup de migrants sont là pour soutenir cette marche. Mon nom est Fernando Maldonado. Je viens du Honduras. Cela fait 3 jours que je suis ici à Tenosique. Et je veux aller à Cancun. Dans mon pays, il n'y a pas de travail, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'impunité. On ne peut pas trouver de travail sans faire partie du parti politique officiel. Et du coup, c'est très difficile de pouvoir aider ta famille. Ma famille est actuellement aux États-Unis et il faut que je traverse le Mexique pour pouvoir les rejoindre. On peut passer par la frontière du Tijuana. Il y a d'autres endroits aussi où on peut passer. Cela fait maintenant une semaine que je suis parti du Honduras. Mais je ne sais pas combien de temps va durer la procédure pour pouvoir rester au Mexique de façon légale et avoir mes papiers. C'est mon but de pouvoir avoir des papiers ici au Mexique pour pouvoir chercher du travail et continuer mon voyage. Et comme ça, ce sera plus facile de pouvoir rejoindre ma famille. Comment s'est passé par... Comment s'est passé ton parcours? J'ai d'abord marché très longtemps. Ensuite, j'ai pu prendre une barque. Mais il y a plusieurs façons de passer. Mais souvent, Les gens te trompent. Et luego no cumplen con lo que prometen, sino que te dejan cerca y te quitan te roban el dinero de esa manera. La plupart du temps, ils te volent. Ils te disent qu'ils vont te déposer à un endroit, mais ils ne te déposent pas là où ils t'avaient promis. Ils t'emmènent à un mauvais endroit et ils te prennent quand même ton argent. Ensuite, ils te disent de prendre un autre véhicule et de te débrouiller par toi-même. Et ainsi, tu es obligé de prendre leur voiture, de payer à nouveau, sinon tu es obligé de marcher toi-même un jour, deux jours, trois jours de marche. Et cette marche est très douloureuse. Tu as beaucoup de crampes dans le dos, dans les pieds. Tes pieds sont abîmés. Et ils te mènent en bateau. Ils te disent de prendre encore une autre voiture. Ils te demandent encore de payer. Ce sont des bons parleurs. Pero aquí donde estamos estamos cerquita de la frontera, todavía no hemos ganado nada porque falta. Là, je suis encore tout près de la frontière, il me reste beaucoup de chemin à parcourir. Là, j'essaie seulement d'aller à Cancún. Pero estar cerca de mi familia, o sea, mi mon but n'est pas d'aller jusqu'aux États-Unis. OK. Est-ce que tu désires dire autre chose? Oh, pues yo lo que quiero decir es que le doy gracias a esta gente. Je voudrais dire merci à tous ces gens qui sont venus à cette manifestation et qui sont venus pour nous aider, pour nous appuyer, pour nous donner de la nourriture, et toutes ces personnes qui viennent nous aider d'une autre manière aussi. Certains nous volent, certains nous raquettent, mais il y a toujours des gens bien qui sont là pour nous aider, pour nous vêtir, pour nous nourrir. Ils nous donnent des médicaments, ils nous donnent ce qu'ils peuvent. Je sais que c'est un choix très difficile, je sais que c'est un chemin très difficile. On peut tomber du train, on peut mourir. Il y a des gens qui volent dans le train. Il y a des gens qui volent d'autres migrants. Les femmes se font violer. Nous souffrons de beaucoup de choses sur le chemin, de la faim et de beaucoup d'autres choses. Mais il faut demander à Dieu qu'il nous donne la force pour continuer le chemin. El Via Crucis de migrantes pues se hace en el contexto de la Semana Santa, los días que son que el mundo católico. Le chemin de croix des migrants se situe dans le contexte de la semaine sainte du monde catholique. On effectue le chemin de croix dans différentes parties du monde et de différentes manières. Ici, nous faisons cette action comme un acte de foi, comme un acte de dévotion, mais aussi comme un acte militant de dénonciation. C'est donc un chemin de croix massif. D'un jour, de quelques heures, l'année dernière de 4 jours. Viven un viacrucis real de torturas, de sufrimientos, de despojos. Jésus-Christ marchait des chaussées, et ces migrants aujourd'hui qui sont aussi souvent sans chaussures effectuent réellement un chemin de croix. Ils souffrent beaucoup, on les torture, on les maltraite. Nous, on vit ça pendant quelques heures, c'est très light pour nous, mais eux, ils le vivent réellement. Moi, je n'ai jamais eu faim pendant 3 ou 4 jours, mais ici, les migrants, en arrivant, parfois, ils ont marché pendant 3 ou 4 jours sans manger, sans boire, et ça, c'est un vrai chemin de croix. Ils arrivent les pieds en sang, ils ne peuvent plus marcher. Et c'est tout ça qu'on veut démarcher en organisant nous-mêmes un chemin de croix. C'est toute cette souffrance. Non pas pour la dévotion, pas seulement d'un jour, mais pour cette souffrance quotidienne qu'endurent les migrants. Tous les jours de l'année, toutes les heures. C'est un chemin de croix très cruel pour eux. Pour nous, c'est seulement un chemin de croix d'une journée. Marcher pieds nus, c'est facile. Mais tout le reste de l'année, on est en chaussures. Et les migrants qui arrivent pieds nus, on lui ferme la porte au nez. On les traite comme des délinquants, comme des gens puants, dégueulasses. Il y a beaucoup de gens d'église, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui les traitent comme des moins que rien. Guatemala y México cuando crucé, tres veces me salvé, me hicieran prisionero, el mismo idioma y el color reflexioné, ¿cómo es posible que me llamen extranjero? En Centroamérica dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución más de que abandonar su patria. El mexicano da los pasos, hoy lo echan, el siguiente día está de regreso. Este es un lujo que yo no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso. Qué lindo México, pero cuánto sufrí. Atravesarlo sin papeles es muy duro. Los 5000 kilómetros que recorrí, puedo decir que lo recuerdo uno por uno. Por Arizona me dijeron cruzarás y que me aviento por en medio del desierto. Por suerte un mexicano al que llamaban Juan me dio la mano, que si no estuviera muerto. Por aquí al fin logré la legalización. Lo que sufrí lo recuperado con creces. A los mojados les dedico mi canción y a los que igual que yo son mojados tres veces. Bueno, mi nombre es Mon nom Galindo, est Alex Galinda. Soy de nationalidad Je suis hondurien. Nous sommes venus ici car il y a beaucoup de problèmes dans notre pays, pues, la mayoría serían prácticamente dont la majorité est économique. La forma de vida está muy pesada ya. La forme de vie est très difficile. Está muy alta y eso no nos hace on ne peut salir plus de vivre. Nuestros países la vie est très chère. El desempleo, el déficit de desempleo. Et cela nous pousse à partir pour chercher de nouveaux horizons. Il y a peu de travail. Et cela nous pousse à partir pour tenter d'aller aux États-Unis pour avoir l'option de trouver un travail digne et envoyer suffisamment d'argent pour subvenir à sa famille. Cela est une des raisons. Cuánto tu salir de tu país? ¿Cuándo salí? ¿Cuándo es-tu parti de ton pays? Yo salí ya hace tiempo, pero el asunto es que cela fait un bon moment. Parado aquí mais le problème est que je me suis arrêté en chemin. La familia, l'une de mes charges est ma famille. Parfois tu espères une aide de ta famille qui ne t'aide pas quand tu en as besoin. Et pour beaucoup, nous sommes obligés de faire demi-tour. No te tiene la mano como tú la esperabas. Y muchos nos toca, pues en ese mismo caso, regresarnos para atrás. Y por eso, pues la lucha a veces se queda en el camino. Y algunos nos quedamos aquí en México tratando de conseguir un trabajo también notre digno. Combat porque est creemos de faire que cette route. México a veces... Mais certains échouent et restent ici au Mexique pour y trouver un travail digno. Parfois, porque estoy seguro le que Mexique un buen peut nous fournir un travail bien payé la qui nous permet d'envoyer de l'argent à la famille restée au pays. Como joven, pues, si a veces... Cuando me quedo varado aqui en el camino, pensando en que tal vez Estados Unidos pueda ser una mejor opción chemin, por el cambio je del, pense del que dinero, les États-Unis que serait une meilleure option à cause de l'écart de valeur de la monnaie. Muchas ilusiones y me quedo aquí varado. Reste y ici, frustre beaucoup d'illusions illégal en un país también que es obviamente de habla hispana. Je reste ici sans papier, illégal, dans un pays qui parle aussi l'espagnol. C'est difficile. Car ils nous demandent des papiers pour trouver du travail et s'installer ici. Souvent, nous sommes obligés de rentrer au pays après avoir cherché des opportunités. Finalement, pour ceux qui prennent la route, c'est une question de chance afin de traverser le pays. Parce que comme moi, qui en suis à ma cinquième tentative de traverser le Mexique, je ne sais plus si je l'ai tenté chaque année, mais je continue este camino que es duro para nosotros como migrantes, ya que atravesamos tantos peligros. J'essaie toujours, car je suis encore jeune, mais je sens que mes forces. Cuando logramos llegar a Estados Unidos, muchos, muchos cela nous rend la vie aventureuse. Tienen un nombre para eso. Le dicen coronas. Quand on arrive à rentrer aux États-Unis, on appelle cela coronas, la couronne. On appelle cela coronas car c'est comme monter sur le trône. C'est le couronnement parce que tu as enfin réussi. Et une fois arrivé, le but est de travailler et travailler encore et garder la motivation pour arriver à tes fins. vives aquí desde tu vis ici depuis longtemps? Pues fíjate que ya tengo 2 meses ya estar aquí. Pasé por el albergue de la 72, que es esta casa donde estamos ahorita. Que je suis ici depuis 2 mois dans l'auberge de la 72. Luego decidí agarrar un jour, j'ai décidé de prendre le train. Mais la nuit où j'ai pris le train, el día que agarré el tren en la noche, se descarriló en medianoche. Nos tocó caminar. Et on a dû marcher je ne sais combien de kilomètres pour rejoindre un village. Ahí en el poblado, là-bas, j'y ai cherché un refugio. Busqué refugio en una parte ahí para que no me afectara la lluvia fíjate que tuve en cuestión de cela a duré plusieurs jours durant lesquels j'ai trouvé un ami hondurien qui vit ici depuis 20 ans au Mexique. C'est lui qui m'a trouvé. Y él me encontró, nous connaissions déjà. Ya los habíamos visto y me dijo que me iba a dar, pues como dicen aquí en México, il m'a pris un stop jusqu'à Villahermosa avec sa voiture, en prenant le risque d'avoir des problèmes avec la police migratoire. Arriesgándose que también tuviera problemas con migración. Gracias a Dios no los tuvo. Ce qui ne fut pas le cas, grâce à Dieu. De que no pude j'ai vécu avec trabajo, lui, mais quand je n'ai pas réussi à trouver un travail, j'ai dû revenir sur mes pas. Je ne voulais pas être un poids pour lui, car il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc je suis parti, et maintenant je suis volontaire dans la maison du migrant 72, en aidant un peu à la cuisine. Et je pense sérieusement repartir en Honduras, car cette situation ne peut pas durer. Avec une situation légale, je chercherai d'autres horizons, mais ce n'est pas le cas. Muchas gracias. Bueno. ¿Tú quieres decir una cosa especial? Pues sí, me gustaría que, bien sûr, que no hubieran tantas trabas como vimos, tantos obstáculos. Car s'il n'y avait pas eu tous ces dangers, si no hubieran tantos obstáculos, les voleurs, les mafieux traficants d'humains qui profitent des migrants et leurs familles là-bas, humanos, que se aprovechan de nosotros, de las familias que están allá, qui veulent s'accaparer leurs familles, leurs enfants, hijos, leurs neveux, etc., etc. S'il n'y avait pas eu ce type de problème, que no hubieran ese tipo de trabas para que caminara libremente la gente, et que les gens puissent marcher librement à travers le Mexique sans papier, nous pourrions arriver à notre but et accomplir notre destin. On sait bien que ce n'est pas le Mexique qui a intérêt à nous expulser, mais les États-Unis. Et c'est bien ça le problème. Pour décrire un peu, là on était dans un hôtel de migrants au sud-sud du Mexique, dans le Tabasco, près de la frontière guatémaltèque. Donc un hôtel de migrants où il y avait 250 migrants là au moment du repas. Un hôtel tenu par un padre qui a donné à manger à tout le monde. Là on était en train de se coucher et puis il y a quelqu'un qui a crié traîne. On a couru jusqu'un peu plus loin dans la ville. Et là, il y a un train de marchandises qui est en train de passer. Et on vient de voir une centaine de gamins, des vieux, des jeunes, la plupart sans sac, juste un t-shirt, des baskets, monter sur ce train et puis partir là, à un train. Et puis il y a quelques gens de l'hôtel qui sont venus leur dire au revoir. Maman m'a montré un jeu quand j'étais tout petit. Tu vas voir, c'est très marrant, on va changer de pays. Chez nous c'est pas facile, notre cabane est en bois. On va prendre un bateau, y'a pas de place pour papa. C'était très rigolo, les gens jouaient à tomber dans l'eau. Je sais qu'ils faisaient semblant, je le sais, je suis pas idiot. Maman m'a montré un jeu quand j'avais mal au ventre. Tu vas voir, c'est très marrant, on va jouer à attendre. Quand on sera arrivé, tu mangeras tous les jours. On gagnera plein d'argent pour faire venir papa un jour. De l'autre côté de la mer, on a couru sur une plage. Il y avait les sirènes de police. On s'est caché sous les branchages. Maman m'a montré un jeu, faut se trouver un abri. Tu vas voir, c'est très marrant, on va camper la nuit. Il y avait plein de gens comme nous qui jouaient à cache-cache. On s'est fait une cabane dans un tuyau avec des vaches. Et puis toute la journée, on attendait près des feux rouges. On lavait les voitures, toutes les voitures avant qu'elles bougent. Maman m'a montré un jeu, il faut se trouver de l'argent. Tu vas voir, c'est très marrant, faut tendre la main aux gens. Elle rentrait pas souvent, elle travaillait le soir. Elle se faisait très belle pour attendre sur un trottoir. Moi j'aimais pas trop ça quand elle montait dans les voitures avec des gars bizarres qui lui faisaient des égratignures. Maman m'a montré un jeu, faut se trouver des papiers. Tu vas voir, c'est très marrant, on va jouer à se cacher. Les flics nous ont trouvés, ils ont cogné sur nos têtes. Je savais bien que c'était qu'un jeu, alors j'ai pas fait ma mauviette. J'ai pas pleuré quand on nous a attachés dans le fond d'un avion. J'ai compris qu'on avait gagné au grand jeu de l'immigration. Chao.